Clarksdale. Pas dans l'Illinois. Pas dans l'Indiana. Pas dans le Missouri. Non, non. Clarksdale, Mississippi. Le siège du comté de Coahoma, une rivière qui la traverse, la Sunflower, tournesol autrement dit. Une voie de chemin de fer qui fait le lien entre le sud et le nord. Une ville qui connaît sa plus grosse population dans les années 70 avec 21 000 habitants et qui décline depuis pour atteindre un peu moins de 15 000 habitants dernièrement. 80% de noirs, 20% de blancs et une croisée des chemins. La croisée des routes 49 et 61. Baby, where you stayed last night? You got your hair all tangled and you ain't talking right. A very special boys, you do very well. A very special boys, you do very well. I got a 3229, it's a burning. If I sent for my baby, man, and she don't come. I sent for my baby, man, and she don't come. All the doctors in West Country sure can't help her, no. Hey, hey, baby, why you stay last night? Hey, hey, baby, why you stay last night? You didn't come home until the sun was shining bright. Take my rest. With this 3220 laying up and down my breath. Radio Mon País, 90.1. Blue Dirt Route est de retour pour, donc on a bien calculé, on a fait un petit calcul, pour sa quatrième année sur les ondes de Radio Mon País. Déjà. Et ça tombe bien parce que Blue Dirt Route, originel, est au complet ce soir. Donc bonsoir à tous, bonsoir Julien, bonsoir Père Julien, bonsoir Benoît à la manette avec Julien. Tu nous parlais de Clarksdale, pourquoi c'est cette ville toute petite, minuscule, même à l'échelle des États-Unis? Pour ceux qui écoutent Blue Dirt Roots depuis le début, vous savez qu'on avait une forte prédilection pour les musiques afro-américaines et qu'on a beaucoup parlé de blues. On a beaucoup parlé de la condition afro-américaine. On a écouté beaucoup de musique qui se rattachait au blues, au jazz. Et Clarksdale, il se trouve que c'est un des hauts lieux du blues. Et donc on s'est choisi une petite émission confortable pour la reprise, pour la rentrée tranquillement. Une émission qui nous ramène aux racines justement de ce qu'on faisait, quoi. C'est ça. C'est ça l'idée. Dans le Mississippi. Alors, et dans racine du blues, mais particulièrement du Delta blues. Ouais, voilà. Donc dans le Mississippi, il y a ce fameux Delta du Mississippi, donc il y a un cours d'eau assez important. Non, vas-y. Delta blues. Et donc, en fait, c'est le blues qui est né dans le Delta du Mississippi. Alors, voilà. Oui, bah non. Mais c'est bien. Je suis désolé. Parce qu'en fait, non, c'est pas dans le delta du Mississippi, c'est une région du Mississippi qui forme un delta, mais c'est pas le delta du fleuve. Ah ouais, ouais. Ok. On aurait dû réviser ensemble. Je réviserai ma géographie. Ouais, non, mais en plus, c'est vraiment. Ils expliquent que le delta blues, c'est pas en fait le. Tu as des qualités de géographe, du coup. Ouais. Oh, certes, en plus, c'est un nom qui est à la mode, delta, en ce moment, donc. C'est vrai. On va espérer que ça passe. Donc voilà, le berceau du Delta Blues, qui est un style particulier. Un style de blues très particulier, très, très brut, très peu harmonisé, qui est joué régulièrement par des musiciens seuls, avec leur guitare, qui se joue parfois avec ce qu'on appelle des bottlenecks, pour faire glisser les notes et imiter la voix humaine dans les mélodies de guitare. Puisque le blues c'est un style de musique qui fonctionne en question-réponse beaucoup. Voilà. Et donc on rencontre à Clarksdale en fait beaucoup de figures hautes en couleur qui ont forgé le Delta Blues, à l'instar de Robert Johnson qu'on vient d'écouter avec son Crossroad Blues et son 3221 Blues. Et donc je parlais de la croisée des routes 49 et 61. 49 and 61 pour les puristes. Ouais. Parce que c'est justement le croisement auquel, selon la légende, Robert Johnson aurait vendu son âme au diable. Bon, on a déjà évoqué cette légende maintes fois dans Blue Dirt Roots. Il y avait un débat sur, c'était pas Robert Johnson à la base, c'était un autre Johnson. C'était peut-être un Tommy Johnson. Les sources sont pas vraiment concordantes, mais... le blues on est aussi à une époque où la tradition orale était quand même vachement prégnante. Et puis les musiciens bougeaient, ils racontaient un peu voilà des histoires soit qu'ils avaient vécues, soit qu'ils avaient peut-être fantasmées, soit qu'ils avaient empruntées. Se passe dans les paroles du blues, on rencontre des couplets qui sont empruntés à d'autres blues. Enfin, il y a beaucoup d'emprunts. Et ça se passait, ils bougeaient de... Comment ça s'appelait? Je sais pas si tu te rappelles... Juke joints. Voilà, et c'est là où ça se passait, ouais. En fait. Il reste un juke joint traditionnel, entre guillemets. À Toulouse À Clarksdale. Pas... 17 000 habitants, quand même, ouais. et une masse de musiciens. C'est ça que je voulais c'est savoir. Énorme, quoi. 17 000 habitants. Il y a autant de musiciens qui sortent de... Ouais. Apparemment 20 000 habitants au plus haut, ouais. et quand vous ferez la liste ou quand par rapport à ce qu'on passera, c'est énorme, quoi. Et que des pointures. Ouais. C'est sidérant, quoi. Des musiciens qui sont très marquants dans l'histoire du blues. Mais il faut bien avoir un truc en tête, c'est que le blues n'était pas forcément une musique qui était amenée à devenir quelque chose qui fait partie du patrimoine mondial aujourd'hui. C'est une forme de musique dont a été faite la promotion dans les années 60-70 par d'autres groupes anglo-saxons, enfin on pense dont on a déjà parlé et dont on reparlera, mais ça va plus loin, parce que c'est quand même une ville, outre le blues, on verra fort l'émission sans spoiler, il y a aussi des chanteurs de soul, des chanteurs de rock, des chanteurs de hip-hop, rap. Donc on va en parler. Ça se limite pas à Gaza, quoi. Absolument. Et donc voilà, on se retrouve à cette croisée des chemins, au crossroads, comme Robert Johnson. Et autour de nous, on a des musiciens hauts en couleur de l'époque qui ont marqué le Delta Blues, des gens comme Charlie Patton qui ont appris à jouer de la guitare à d'autres comme Olin Wolf, qui ont croisé des gens comme Zonehouse, Willie Brown et Zonehouse, ceux qui avaient eux-mêmes appris à jouer de la guitare Robert Johnson. Donc voilà, on se trouve dans un genre de microcosme. Aussi, il faut le dire, la musique, c'était l'un des seuls passe-temps des Noirs américains qui travaillaient dans les champs de coton dans les environs de Clarksdale. Et donc, comme il y avait une promiscuité assez forte aussi, voilà, il y avait la possibilité de discuter avec les musiciens, d'apprendre d'eux, de... Voilà. Mais vu effectivement, il y a peut-être bien un petit truc avec vendre son âme au diable pour faire de la musique par là-bas, parce qu'ils sont trop nombreux, c'est pas possible. Ah, certainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jouer du blues à cette époque-là, quand il est plutôt de bon ton d'aller à l'église le dimanche, et moins d'aller picoler les samedis soirs dans les Duke Jones pour écouter du blues, effectivement, ouais, on n'est pas sur une musique franchement divine. Mais on s'en fout, on va écouter Charlie Patton avec Down the Dirt Road Blues, et ensuite on va écouter aussi Willie Brown et Zonehouse qui sont eux aussi des figures sinon incontournables, au moins marquantes de l'histoire du Delta Blues. Yeah. Yes, yes. Well, that lead is no place. I've been early. Well, you're right back to me.

can drink my white lightning gamble. I can bring my baby home. Don't the Delta look lonesome when that evening sun goes down just about to dawn? Don't the Delta look lonesome when that evening sun goes down? Where she's been looking for your baby, don't know where she could be found. I look all over town for you there. Voilà, donc on vient d'écouter Charlie Patton, donc musicien haut en couleur et père un peu du Delta Blues aussi, puisqu'il était vachement itinérant dans la région du Delta, où il se produisait beaucoup, mais où il travaillait aussi dans les champs de coton. Dans les, il se produisait dans les et dans les Duke Joints. J'adore ça. C'était des endroits de débauche où tu payais un dollar à l'entrée pour pouvoir rentrer, puis après tu picolais, tu dansais avec pendant que c'est quoi le film là, Green Book, Glenn Book, tout à fait. Où on en a un peu le goût à un moment donné. À la fin du film, il vient et il joue dans un Gju Joint où tous les gens ils sont là, mais c'est qui ce mec? Et il commence à jouer un truc de musique classique au piano. Et en fait, il joue son truc et les gens sont scotchés. Et à la fin, il finit par jouer un blues Et on en a un rock'n'roll. On en a un autre dans un film qui est plus vieux, donc tu connais pas parce que t'étais pas né. La couleur pourpre, où la couleur pourpre de temps en temps il s'évade pour aller danser. Et justement, il y a des endroits comme ça à la campagne, c'est une sorte de grange. Mm-hmm. Il danse là-bas. Ouais. Tu vois. J'étais pas né. Moi non plus, pas ça. Mais j'étais trop jeune. Ah non, mais ouais. Ok. Ouais, et donc je sais plus où j'en étais du coup. Bah, tu parlais de qu'il était en couleur. Il y en a un autre qui est en couleur avec son nom Barbecue Bob. Barbecue Bob. Ouais, il est pas de Clarksdale, je pense pas qu'il. C'est Delta Blues. Voilà. Mais ouais, Barbecue Bob. Pourquoi? Parce qu'en fait, il bossait dans un restaurant qui faisait des grilles quoi. Et il sentait toujours le barbecue et puis il s'entraînait entre deux services à jouer de la 12 cordes dans sa cuisine. Comme quand tu vois les rappeurs avec leur nom tout bizarre, ils ont rien inventé quoi. Le mec s'appelle Barbecue Bob quoi. Voilà, donc, et puis dans les Duke Jones, on croise évidemment les deux autres personnages qu'on vient d'écouter aussi. Willie Brown avec son Mississippi Blues, évidemment. Future Blues, pour moi, l'un des blues les plus dépressifs du Delta Blues. Et Zone House, avec deux enregistrements pour la Library of Congress, Four Clock Blues et Walking Blues, où là, on a un goût un peu plus... folklorique du Delta Blues, puisqu'il joue avec, entouré de ses amis bluesmen, qui soient mandolinistes, qui fassent de l'harmonica, etc. Et donc, on entend ses potes, gueuler pour... il y a de l'ambiance, quoi, c'est cool. Et un autre artiste, Booker White, qu'on va écouter tout de suite avec Fixin' to Die et Special Streamline, avant de prendre le train pour Chicago. Ah, on remonte un peu. Booker White, Fixin' to Die et Special Streamline. I had a friend girl that morning was catching that train. She got up singing this song. Hey, Dad, I'm sorry to leave my home. Long, long, long, long. She heard that 8:30 local blowing that morning. She hadn't read the train in a good while. She thought it out of that special streamline. She heard that 8:30 local when she's coming to the line. It cleared up for that streamline blowing like this. She said, Dad, is that my train? I said, I ain't keeping up with the train time. I'm trying to make a few dimes. She dropped her head and went to singing and crying. Hey, it's all right how you turn me down. I ain't got a dime. After she called for a ticket, she heard this special streamline drawing 36 miles from Memphis, Tennessee. Make it lonesome now, cause I'm a hobo myself sometimes. Man asked her what out of the train. She told him she didn't know it. She could hear the bell. She could tell him all about it. As she dropped over that hill and dropped off in the valley, she heard the bell begin to tone like this. Make it sound like a church bell tone. Little before she got to that 10-mile tunnel, she blowed and sold on our breath. Got to that 10-mile turn, she was getting cross, she was tipping cross the automatic switch, getting the water and coal on the fly. You could hear her when she's striking that double line like this. When she run across the last one, she squalled in. This girl looked out and seen that train, she come as a singing and crying. Hey, Dad, I don't wanna leave. I believe I lose my mind. When that train got a little folks, she got to New Orleans, she went around the curve, you would hear when she was blowing like this. The people's always standing at the station down there to see that train come in. You would hear when she squalled. Boy, bonne nuit. I'm looking fun in my eyes. Believe I'm fixing to die. Believe I'm fixing to die. I'm looking fun in my eyes. Believe I'm fixing to die. I know I was born to die, but I ain't leave my children crying. That's the show we live with it. So we born. Die, so we bound to die. Take the shoe we live, so we bound to die. I know I was born to die, but I ain't leave my children crying. Your mother treated me, children, like I was her baby child. Was her baby child. Your mother treated me like I was a baby child. That's why I tried so hard to come back home to die. So many nights at the fireside, how my children mother would cry. How my children mother would cry. So many nights at the fireside, how my children mother would cry. Cause I told the mother I had to say goodbye. Look over yonder on the barren ground, on the barren ground. Look over yonder on the barren ground. Yon stand 10,000 standing still, let me down. Mother, take my children back before they let me down, before they let me down. Mother, take my children back before they let me down. And oh, neither them screaming, crying and on their graveyard ground. n'est-ce pas? Radio Mon Pays, 19h30 passé déjà. 90.1, on rappelle. 90.1. Et tu nous as amené, et on est toujours à Clarksdale. Eh bien là, avec Mystery Train de Junior Parker qu'on vient d'écouter, je voulais... c'est marrant parce qu'en fait... on sent le côté, on prend le train, tu vois, pour passer du sud au nord. Bon, l'idée c'est qu'il y a eu un fort exil des Afro-Américains vers le nord, le long de la Blues Highway, comme on la nomme, hein, la route 61, qui va de la ville de Wyoming, alors qui n'est pas de l'état du Wyoming, mais la ville de Wyoming dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et qui fait à peu près 2000 kilomètres et quelques. Et qui est un itinéraire vachement couru par les touristes, fans de blues, ou pas d'ailleurs, fans des États-Unis, enfin bon, on s'en fout. Tous les touristes. Voilà. Et donc, en fait, il y a une ligne de train qui passe par Clarksdale. Et donc, comme il y avait beaucoup de travailleurs agricoles afro-américains à une certaine époque, quand il y a eu l'automatisation des tâches agricoles qui arrivaient, bon, il y en a beaucoup qui sont partis pour les villes du Nord travailler pour l'industrie automobile, notamment à Chicago, comme le chante un peu Robert Johnson, hein, Sweet Home Chicago. Et donc voilà, dans sa chanson Junior Parker, il mime beaucoup le bruit d'un train, en fait. C'est, et donc je voulais illustrer un petit peu ce truc-là avec cette chanson. Et donc on arrive à Chicago, et puis les instruments s'électrisent. Et puis il y a des mecs comme Muddy Waters, ceux qui ont commencé à jouer dans le Delta de la guitare acoustique, et qui arrivent à Chicago et qui se part de guitare électrique et qui continuent à jouer la même musique, mais ça sonne différemment et c'est plus électrisé. Et donc on va écouter Muddy Waters, I Can't Be Satisfied et Uchi Kuchi Men, qui sont ces chansons un peu phares. Qu'il a joué avant sur des guitares acoustiques et qui joue maintenant sur des guitares électriques, mais là il est tout seul à la guitare encore, tu vois. Il vient d'arriver à Chicago, quoi. Et préciser qu'il a vécu longtemps à Clarksdale. Il a vécu longtemps sur sa guitare sèche là-bas. Et il a certainement pris le train depuis Clarksdale pour remonter à Chicago, là où il a fondé quasiment le Chicago Blues, quoi. Voilà. Donc parler de Muddy Waters quand on parle de blues, c'est comme mettre du fromage dans les pâtes. Hein, on reparlera tout à l'heure. On reparlera tout à l'heure de ce trajet Clarksdale Chicago, ouais. Par rapport à un autre chanteur, pas forcément de blues d'ailleurs. Et donc Muddy Waters, I Can't Be Satisfied, et après Uchi Kuchi Men. Well, doorbell rang. Looking for my baby, I didn't see not a doggone thing. Well, when I was 12, I was gone good night. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep up. Well, I know my little baby, she gon' jump and shout. That old train delayed me, Lord, and I come walking out. I'll be in trouble, I'll be all right now. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on dying. Oh, on a failli spoiler la suite de liste, mais non, on va changer en fait. Donc là, on est à Chicago, on est sur le côté électrifiant du blues. On revient quand même sur ce côté électrique et on va voir qu'à Clarksdale, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas eu que le blues en fait, qui est né, enfin le Delta blues qui est né là-bas. On est d'accord. Après, il s'est étendu sur avec d'autres musiciens, mais en fait, ce qui est totalement, enfin, je vais pas dire hallucinant avec cette commune, parce que 17 000 habitants. C'est pas non plus. C'est que c'est aussi du, pas le berceau, mais ça a sorti des. Enfin, si, berceau d'un type de musique dont on a parlé beaucoup. On s'est interrogé. C'est ça. Émergé, en fait. Voilà. Et on se posait la question lors d'une émission de savoir est-ce que le rock'n'roll est blanc, noir ou autre, ou les deux. Parce que une des premières chansons, enfin, celle qui est considérée comme la première chanson rock'n'roll du monde, enfin, de l'histoire du rock'n'roll, eh ben, elle a été jouée, écrite. Par deux musiciens natifs de cette belle bourgade. Je sais pas si elle est belle. Mais on va dire, ça fait bien. Ça fait bien, d'accord. Et donc, Ike Turner. Ça a le charme d'une petite ville ouais. Anciennement agricole qui est un peu périclite. Ouais, j'imagine. Mais donc, Ike Turner, donc, qu'on présente, on va présenter, d'accord, mentor, mari et limite pas tortionnaire, mais pas loin de Tina. Grand musicien, Ike Turner et Jackie Brenston, tous les deux sont donc nés à Clarksdale. Le second rencontre le premier, intègre son groupe et en fait ils vont faire quelques chansons et chaque fois en changeant de groupe selon qui chante. Quand c'est Brenston, c'est les Delta 4, Jackie Brenston et les Delta 4. Et quand c'est Ike Turner, c'est plutôt les King of Rhythm, quelque chose comme ça. Et ils vont faire une chanson qui va être considérée, on en avait parlé lors de notre émission sur rock'n'roll, qui va être considérée comme une des premières chansons donc, du rock'n'roll, qui s'appelle Rocket, je veux dire en français, et tu traduis en anglais, d'accord ? Oh, tu sais le faire. 88. Voilà, 88. Donc ça s'appelle Rocket 88, c'est un point de départ, donc simplement pour expliquer que bah, c'est le berceau du Delta Blues, mais pas que. Alors là, on a un peu improvisé parce que c'était pas prévu, mais Benoît, il est OK sur... on va envoyer tout de suite donc, Rocket 88, donc Jackie Brenston avec Ike Turner et donc les Delta 4. Première chanson du rock'n'roll, bah, née à Clarksdale. Tout simplement. Tout simplement. Jalopies, you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! We'll be right back.

T'as spoilé un petit peu la liste là, cette fois. Ouais, ouais, il y a du spoil ce soir, c'est terrible. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave parce que pour les comment on dit, pour les aficionados, du blues, ils ont peut-être repéré le son, le rythme du prochain musicien. Donc lui, pour le coup, typique, il est né à Clarksdale. Et en fait, on l'a choisi parce qu'on en a déjà parlé. On a déjà parlé dans... C'est un peu la courroie de transmission entre le blues, blues rock et le rock. Le rock and roll qu'on vient d'entendre. Et c'est typiquement l'un des artistes aussi qui a commencé à la guitare acoustique, pardon, et qui a fait son bout de gras aussi à la guitare électrique par la suite. Et puis en plus, c'est une figure... Enfin, je veux dire, de par sa vie... Je veux dire, c'est le roman du blues, quoi. C'est-à-dire élevé par son beau-père, un père pasteur, enfin voilà, qui touche à sa guitare, enfin voilà, qui apprend le blues avec son beau-père dans le sud, donc à Clarksdale. Ce qui est intéressant, c'est que il a aussi ce fil conducteur de le blues dans les années 50 n'étant pas destiné aux blancs, et surtout pas d'ailleurs. Il a quand même une carrière qui est assez discrète à ce moment-là. Il va être totalement, même pas relancé, mais lancé. Sa carrière va décoller à partir du moment où ces groupes, notamment anglo-saxons, on avait parlé avec la mention culturelle britannique, prennent à leur compte le blues, on va dire. Enfin, je sais pas comment. Ouais, ils rendent hommage aux musiciens qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent à leurs idoles, parce que c'est leurs idoles en fait. Des mecs comme Chuck Berry, les Rolling Stones vont traverser l'Atlantique pour aller les rencontrer, pour jouer avec eux, avec des Chuck Berry, comme tu dis, avec des Muddy Waters qui va les accueillir. On les voit jouer les Rolling Stones dans des vidéos là qu'on retrouve assez facilement sur YouTube, où ils s'incrustent dans un club où il y a Muddy Waters qui est en train de jouer, et puis au bout de 10 minutes ils montent sur scène, quoi, les mecs. Et bon, voilà, donc ouais effectivement il y a eu un moment de relance du blues par beaucoup de groupes britanniques, anglo-saxons. On pense aux Rolling Stones en premier, à Eric Clapton, qui s'y officiait plutôt dans le rock psychédélique, revient vite au blues. Tu sais, toujours Clapton, c'est toujours notre idée. Est-ce qu'on parle de l'œuvre ou de l'artiste? D'accord. Ah oui, parce que Bon, après, on replace dans le contexte toujours. Certes. Clapton et même des gens comme Bowie aussi, ont eu des déclarations assez chaudes dans les années 80. Ouais, mais Bowie quand même, il y a... Bref. On va pas excuser, mais il faut expliquer, quoi. Certes. Voilà. Mais si on vient sur John Hooker, quand je disais, sa vie, c'est vraiment la vie du bluesman, quoi. Il fut son foyer à 15 ans. Enfin, il y a toutes ces notions-là. Il vivote par sa guitare jusqu'au moment où il est vraiment lancé, comme tu disais, par tous ces groupes. Point culminant, carrière internationale des années 80. Il participe au film des Blues Brothers. Enfin, voilà, il devient totalement intouchable. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue que ces années 50, c'était compliqué pour les grands bluesmen, quoi. C'est vraiment après qu'ils ont vécu grâce à leur musique. Qu'ils arrivent à vivre avec leur musique, quoi. Tout ça pour dire que le morceau que vous avez entendu un petit peu, c'est Johnny Hooker. Pour ne pas le citer, quand même. Ça fait 10 minutes. Rock with me. Voilà. Mais les aficionados l'ont reconnu. C'est vrai. Bon, on précise quand même. Johnny Hooker.

It's great to be back in your country. We come back again in November. We got a lot of places to go, some new songs to play, some old songs to play, some new songs to play. This is the first new song. It's called Walking into Clarksdale. Alors Stéphane, oui. Il faut que tu nous expliques là. Pourquoi un Led Zeppelin en plein milieu comme ça. Ouais. Mais le mindfuck est total. Alors il faut que tu nous expliques. Clarksdale, c'est quoi le lien? Et ben, le lien, c'est simplement, c'est un peu par rapport à ce qu'on disait par rapport à John Lee Hooker, c'est-à-dire la reprise de ces groupes Wasp, allez, on va dire Wasp, ça sera plus simple, qu'ils soient américains ou anglais. Et bah, il y en a certains qui ont fait venir des artistes, qui ont relancé des artistes, et eux, ils ont simplement fait un album, une chanson sur Clarksdale qui s'appelle Walking into Clarksdale. C'est un hommage ouais. Aux racines, ce qu'ils considèrent comme racines du rock, en fait, ni plus ni moins. Alors, c'est Led Zepp, oui et non, c'est surtout Robert Plant. Voilà, et Jimmy Page. Voilà, c'est les deux qui ont fait cet album avec d'autres musiciens, pas forcément les autres de Led Zepp, quoi. Mais voilà, c'est le petit côté à la fois qui montrait que, ben voilà, qu'il y a d'autres groupes qui se sont saisis du blues et qui ont rendu hommage à cette bourgade. C'est vrai qu'ils ont fait partie. Et ils ont repris d'ailleurs aussi une chanson de Robert Johnson, hein, Traveling Riverside Blues, et d'autres qu'on pourrait citer. Mais... Ouais, mais eux, je pense que le côté diable et machin, ça leur plaisait bien à une époque. Ouais, hein. C'était bien leur truc. Ouais, et puis ils étaient gros fans de blues aussi, je pense. À cette période, c'est vrai qu'on avait fait l'émission, hein, mais y a, enfin, voilà, ces groupes anglais ont été bercés par. Par cette musique de blues, comme certains mods étaient bercés par la musique soul, enfin voilà, c'est une forte inspiration. Hein. Après Retour à la Wire, on reste à Clarksdale et pour le coup, là, on continue pour montrer que, on a parlé tout à l'heure un petit peu, c'est le berceau du blues, c'est le berceau du rock. Mais bon, alors c'est peut-être pas le berceau du rap, mais en tout cas, il y a des rappeurs. Des musiciens aussi sont sortis de, musiciens, voilà. De Clarksdale, enfin. Pour les deux qu'on va vous présenter ce soir, c'est du comté de Coahoma, dans l'état du Mississippi. C'est Clarksdale, ouais. Clarksdale, ouais. Est dans le comté de Coahoma. On va vous parler, voilà, on passe au rap, ou même au gangsta rap, hein, je vous préviens. Tu veux dire que c'est violent ? Ouais, ouais, mais bon. Si vous comprenez les paroles, même le son, vous allez... C'est plutôt West Coast. Parce que okay. On avait parlé aussi de ça. C'est bien, parce qu'en fait... ces musiciens sont partis en Californie, hein. Californie, Floride, enfin plutôt East Coast pour le deuxième. Ils se sont désolarisés. Ah oui, rapidement. Ça n'existe pas le South Coast en si, rap. Si aussi, oui, oui, tout à fait. D'accord. Récemment, oui, ça existe. Hein. Donc on va vous là le premier artiste qui est né vraiment à Clarksdale. Donc bon, malheureusement. Plus. On va le dire de suite, il nous a quitté il y a malheureusement 10 ans. Nate Dogg, je ne sais pas si ça vous parle. Non. Un rappeur. Nope. Non. Un rappeur, mais on va y revenir un peu au blues. C'est le fils de Snoop Dogg, non? Tu en parles, mais Doggito. Un peu plus tard, tu vas voir qu'il y a un lien entre les deux. Ah, trop okay. Bon. Ils n'ont pas révisé. Ils n'ont pas révisé tous les deux. Et non, mais donc Nate Dogg, un fils d'un pasteur. Ouais, donc on n'est pas loin du blues quand même. Voilà, sa mère chef de chœur à l'église. Ok, d'accord, on y est. Donc lui, il va être bercé par le blues du Mississippi. Et il va chanter aussi beaucoup de gospel. Donc il va avoir une voix particulière, vous allez l'entendre. Donc elles forgeront un peu sa voix. Un peu plus tard, il se retrouve, ses parents partent quand il a 16 ans en Californie. Ah, c'est pas Chicago. Tu vois, c'est toute la différence. Peut-être qu'il était à Chicago, il a fait du blues rock. Alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est dans la chanson de Robert Johnson, Sweet Home Chicago, il dit, enfin, il chante même, je retourne dans cette belle ville de Californie, Sweet Home Chicago. D'accord. Et alors, je sais pas s'il avait des problèmes de géographie, comme j'en ai eu tout à l'heure avec, oui, le Delta du Mississippi. Tu es excusé quand même. D'accord. Mais, enfin, voilà, bon, bref, petite parenthèse. Pardon. Donc, Chicago en Californie? Non. Non, Chicago dans. L'Illinois. Au nord, quoi. Dans l'Illinois, ouais, c'est ça. Chicago, c'est l'Illinois. Ouais, le géographe. Merci, Stéphane. Et donc, Nate Dogg, à 14 ans, déménage en Californie, à Long Beach. Il se retrouve au lycée, avec qui? Un article qui s'appelle Snoop Rock. Snoop Rock. Alors, en fait, c'est Snoop Dogg. D'accord. Bien sûr qu'on a connu. Il lui a piqué son... Non. Non. Il a commencé à chanter avec lui à la cantine, visiblement, d'après les informations qu'on a. Rapper à la cantine. Mm-hmm. Il part faire 3 ans de marine plus tard. Il revient en Californie.

Voilà, on vient de s'écouter deux titres de Nate Dogg. On est sur du rap, donc sur du rap à claque. Du gangsta rap, du gangsta rap de Californie. Ouais, ben c'est du gangsta rap. Moi, je connais pas grand-chose, mais ça a l'air un peu doux, quand même. Heureusement, on comprend pas l'anglais, parce que, ouais, ce qu'ils disent... D'accord. Parce que moi, mon seul truc référent, vraiment, on en parlait tout à l'heure, hein, de rap, c'est Beastie Boys, c'est Cypress Hill. C'est vraiment le truc. Ils font pas que du rap d'ailleurs. C'est du gangsta. Du métal aussi. Métal aussi. C'est oui, alors c'est quoi? C'est du gangsta rap ou c'est du rap métal? Oui, sur les messages qu'ils veulent faire passer, c'est du gangsta rap, oui. Ok. Bon, on revient à Claxel donc parce que. Parce qu'il y en a un deuxième. Voilà. Il y en a un deuxième qui vient de cette belle bourgade dont on parlait. Oui. Un deuxième artiste donc qui vient de l'état de Coahoma. Oui, c'est l'état dans lequel se trouve la ville de Clarksdale. Ouais. Rick Ross, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un rappeur qui a assez vite déménagé en Floride, où il a son bastion. Et c'est pareil du gangsta rap des années 2000. C'est Roof. Là, on va s'écouter un titre, c'est pour un peu vous placer le rappeur dans le gangsta rap. Everyday I'm Hustling. Ça veut dire en fait. Tous les jours, je racole. Donc, je propose des filles de joie à des hommes. Voilà, Enfin, ouais, c'est pas lui qui racole, donc. Non. Il la joue facile, il le mec. Il joue facile, bien sûr. C'est un Mac, quoi. C'est un Mac, quoi. Ouais. Exactement. Ah ouais, ok, je vois le style. Donc, Rick Ross, on va s'écouter. Il est toujours en vie, il est toujours là. T'as pas l'air trop l'apprécier, Rick Ross. Si, j'aime bien quelques sons, mais bon. Voilà, c'est. C'est toujours pareil, c'est du gangsta rap. Du gangsta rap. Et on est des gens de bonne constitution, quoi. Voilà, exactement. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling, hustling. Who the fuck you think you're fucking with? I'm the fucking boss. 745, white on white, that's fucking Ross. I cut them wide, I cut them long, I cut them fat. What? I keep them coming back, what? We keep them coming back. I'm in the distribution, I'm like Atlantic. I got the motherfuckers flying across the Atlantic. I know Pablo, Pablo Noriega, the real Noriega. He owe me 100 favors. I ain't petty, nigga, we buy the whole thing. See, most of my niggas really still deal cocaine. My roof back, my money ride. I'm on the pedal, show you what I'm running like. When they snatch black, I cry for 100 nights. He got 100 bodies, serving 100 lights. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. We never steal cars, but we deal hard. Whip it real hard, whip it real hard. I call the charge, I call the charge. Whip it real hard, whip it real hard. Ain't by no funny shit, still bitches and business. I'm on my money shit, still whipping them Benzes. Major League, who catching because I'm pitching. Jose Canseco just snitching because he finished. I feed them steroids to strengthen up all my chickens. They flying over Pacifics to be specific. Triple C's, you know it's fact. We hold it sack. So nigga gon' rap. Run and tell them that. More cars, more hoes, more clothes, more blow. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. It's time to spin my thrills. Custom spinning wheels. I ain't drove in a week, them bitches spinning steel. Talk about me, cause these suckers scared to talk about me. Killers talking about me, it ain't no talk about me. It ain't no walking around me. See all these killers around me, lot of drug dealing around me. Going down in Dade County. Don't tote no 22, Magnum cost me 22. Sat it on them 22, birds go for 22. Lil' mama super thin, she say she 22. She seen them 22, we in room 222. I touch work like I'm convertible birth. I got distribution, so I'm converting to work. Work in the MIA, yeah, yo. Them niggas rich off, yeah, yo. Steady slanging, yeah, yo. My shit been banging, yeah, yo. Voilà, on vient de s'écouter Rick Ross de l'état de Coahoma. Donc on rappelle, Blue Route 90.1. On peut aussi sur internet. Et je vais faire un petit message. C'est, ouais, une fois n'est pas coutume. Un petit message à ma mère et à mon fils qui nous écoutent. Voilà, petit coucou. Et ben on leur fait des bisous. Hein. Merci. Donc maintenant on passe. Toujours Clarksdale. Ouais. On va revenir sur des musiques un peu plus d'époque. Voilà, donc il y a une grande diversité de musiciens qui a émergé de cette petite bourgade, hein, finalement. 17 000 habitants. Ouais. Absolument. Ouais, j'espère quand même que les gens qui nous écoutent prennent la mesure de la contribution d'une ville de 17 000 habitants par rapport à la musique afro-américaine. Ils iront c'est peut-être impressionner Clarksdale plus tard. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Donc ouais, c'est le Mississippi. C'est à côté d'une grande ville du Mississippi. Bah, c'est la grande ville du comté, quoi. Ah. Voilà, parce qu'au-dessus, au nord, il y a des villes aussi à côté. Il y a quoi au nord? Tu disais, il y a une ville dont il ne faut pas dire le nom. Au sud, il y a Rome. Ah oui. Pour Stéphane, une petite dégâts à Stéphane. Fun fact. Donc, voilà. Au nord-est de Clarksdale, limitrophe d'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle Lyon. Ah. Et quelque part au sud-est, il y a une ville qui s'appelle Rome. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de communes américaines dans cette partie-là des États-Unis, en fait, qui portent des noms de villes européennes, voire françaises. La Nouvelle-Orléans, c'est les anciennes colonies françaises. Ouais, de côté, à Toulouse, t'as Florence, t'as Grenade aux eaux. Il y a une ville qui s'appelle Roubaix, d'ailleurs, je pense, dans ce point-là aussi. Mais moi, j'ai une question pour Stéphane. Le gangster. Tu connais Lyon, mais tu connais Lyon en France. Tu connais pas Lyon en non, je ne connais pas cette ville. Non. Non. Revenons à des choses plus sérieuses. Donc voilà, bon, grande diversité d'artistes. Et puis bon, là, on revient sur des trucs un peu plus rock, enfin blues rock, avec Eddie Boyd, son Blue Coat Man et Just a Fool. On va juste passer Blue Coat Man, pardon. Et Earl Hooker, qui est aussi un des artistes notables issus de Clarksdale. Et c'est toujours du Delta Blues. Non, là on passe sur du blues qui est plus orchestré, parfois avec du piano, voire des cuivres. On est plus dans la logique où voilà, c'est des artistes plus produits. Là, on est plus dans les années 50-60. Donc Eddie Boyd et Earl Hooker à la suite. Et après, on va parler de Sam Cooke. Saying well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear, but meanwhile I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my, my, my, my, my, my, my, my work is so hard, give me water, I'm my work is so hard, oh, my, my, my, my, my, my, my work is so hard. Né à Clarksdale, grandi à Chicago, ça pourrait être l'histoire du blues, mais en fait c'est la vie de Sam Cooke. Et Sam Cooke, c'est pas forcément... Le blues. Le blues. C'est autre chose. C'est la soul. C'est le R&B et puis la soul, et quoi. La soul, ce que vous venez d'entendre. Ça, c'est aussi important. Il est né donc à Clarksdale. Sam Cooke, une des voix de la soul et quelque part un raccourci de la vie, enfin, de la vie des années 1960 aux États-Unis, de la condition afro-américaine, parce que une fin, il a connu une fin glauque, mais à la fois pas, comment dire, Ouais, un peu comme Robert Johnson, il a une mort dont on sait très peu de choses en fait. Enfin, il y a une version officielle et puis il y a des trucs qui concordent pas. Ouais, il y a des témoignages qui sont aux arbres, il y a une histoire de prostituée qui part avec ses vêtements, où il essaie de la rattraper, il menace la gérante d'un hôtel qui à Los Angeles, à l'Hacienda Hotel. Donc, il soi-disant de la menace et donc elle lui tire dessus. Enfin, voilà. Mmh. Et en fait, c'est et pas on clair. Constate sa mort d'une balle dans le cœur, sauf qu'il y a Etta James, oui, qui va l'enterrement, qui dit qu'il a été complètement massacré, qu'il a été battu, il y a les mains cassées, il y a la tête quasiment décapitée. Le nez totalement, totalement décloisonné. Et donc, voilà. Donc, Sam Cooke, né Clarksdale, Chicago, et une fin qui est terrible, horrible, et dont on ne saura jamais, en fait, ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. C'est un peu, voilà, les USA... Sur fond d'intérêt financier par rapport à son producteur aussi. Enfin, il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Si je fais des raccourcis vite fait, et je grossis le trait, mais années 60, Los Angeles, ça me fait penser au roman d'Elroy, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on est dans ce côté bas-fond glauque avec « il se passe tout ». Et surtout n'importe quoi. Et n'importe quoi, et on met sous le tapis, quoi. Voilà, c'était une des voix de la soul, Clarksdale. On a un autre morceau, certainement à suivre, de Sam Cooke. Donc on venait d'écouter Chain Gang. Un deuxième de Sam Cooke, c'est It's All Right, pour quelqu'un qui aura une fin qui n'était pas All Right. Hein. Et t'en avais une aussi, toi ? Non ? J'en avais une qu'on avait déjà passée dans une émission justement sur la soul, où on expliquait que la soul, c'était quand même, contrairement à ce qu'on pouvait croire, ce qu'on pourrait croire, c'était un mouvement musical qui était très revendicatif, avec son morceau c'était A Change Is Gonna Come. On verra si on a le temps de la passer, et qui disait que voilà, il y a du changement qui arrive, ça va se passer. Bon, il a pas eu le temps de le vivre. Est-ce qu'il a eu lieu? Ça, je vous en juge. Mais voilà, c'était quand on avait fait l'émission sur la soul, où c'était le côté I'm Soul Man. On vous rappelle que le côté House of Men, c'était un des premiers trucs qui était je suis fier d'être afro-américain, et c'est ce qu'écrivaient les commerçants lors des émeutes, Détroit et autres. Ils écrivaient sur leur magasin House of Men pour pas que les magasins soient vandalisés lors des émeutes. Donc c'était ce côté soul ou typiquement revendicatif qu'on a tendance à oublier parce que la musique est un peu plus douce, parce que les paroles sont un peu plus gospel par rapport au gangsta rap, tout ça. Donc c'était A Change Is Gonna Come. Et en conclusion, on pourrait dire qu'à Clarksdale, on y naît, on y travaille. On y chante, on y danse, on y boit. On y chante, on y danse, on boit. Des fois, on en part pour aller vers de meilleurs horizons. Et puis, souvent, effectivement, ouais. Et puis des fois, on vient y mourir. Pour illustrer ça, à la suite de Sam Cooke, It's Alright, on écoutera Bessie Smith qui est décédée à Clarksdale avec Backwater Blues, où on parle d'eau qui monte, de crue, et le Mississippi a fait des dégâts à Clarksdale régulièrement. Voilà, donc on conclut un peu cette émission sur Clarksdale, Mississippi avec Sam Cooke, It's Alright, et Bessie Smith, Backwater Blues. Et on vous explique la suite tout de suite après. It's alright, it's alright, honey, it's alright, long as I know that you love me, honey, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright, honey, it's alright. Long as I know that you love me, baby, it's all right. All my friends tell me that you found somebody new. They report to me every little thing that you do. But long as you tell me that it's all untrue, baby, it's all right. It's alright, it's alright, it's alright. Believe me when I say it's alright. Long as I know I know that you love me, baby. It's all right. One more thing I want you to know. If you ever worry, if you're all alone, just remember, darling, that I'm as near as your telephone. And if you need me, honey, all you got to do is to call me. Believe me, it's all right. Oh, it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Long as I know, long as I know that you love me, baby, it's all right. Oh, help me to tell her one more time. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Sur une note tragique, hein, désolé, mais Bessie Smith, la légende veut qu'accident de voiture, donc à Clarksdale, parce qu'elle n'y est, est pas née, mais accident de voiture. Et la légende, certainement répartie de Junk dans les fameux Junk Jones, fait qu'en fait, elle a été transportée dans un hôpital pour blancs, qu'il a refusé, et du coup, ce qui aurait entraîné sa mort en terme. Après, il y a un médecin sur place qui a dit que non, que de toute façon, à cette époque-là, aucun ambulancier n'aurait amené une chanteuse, enfin, une personne noire dans un hôpital blanc. Mais voilà, c'est pour resituer dans l'époque. On est là-dedans, c'est Blue Dot Roots, c'est un peu le thème de l'émission. Il y aura d'autres thèmes tout au long de l'année. On va essayer de passer du côté, enfin, de vous présenter, je ne sais pas, en vrac. Les exils. Ouais, musique de l'exil, parce que ça a un lien avec ce qu'on dit sur l'exil des Afro-Américains du Sud vers le Nord, ce dont vous a parlé Pierre-Julien tout à l'heure. On a l'exil, on a peut-être musique des îles. Hip-hop. J'interviens, mais... Oui, t'interviens, oui, c'est effectivement. Mais t'as raison. Hip-hop bientôt. Donc l'exil, le hip-hop et les îles. Les îles. Le hip-hop, en fait, le hip-hop, ouais. pour terminer l'historique... Oui, en deux tomes, en deux opus, pour finir l'historique de la musique afro-américaine.